Donc les quatre écluses, ici, comme vous le savez, c'est une ancienne poudrière, qui est du coup une poudrière qui date du XVIIIe siècle et qui a été utilisée donc, pour stocker de la poudre à canon jusqu'au moment où on n'a plus besoin de la poudre à canon pour faire fonctionner les armes. C'est un bâtiment qui a été très longtemps abandonné parce que, en fait, c'est un bâtiment qui est tellement spécifiquement conçu pour être un bâtiment militaire que en fait, la ville de Dunkerque, pendant longtemps, ne savait pas trop quoi en faire. Jusqu'à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, où évidemment il a été de nouveau utilisé comme bunker et comme abri, notamment par les Allemands. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, mais en fait on s'en sert de stock. Il y a sur la droite ici, vous avez là où il y a les arbres qui poussent. En fait en dessous c'était un bunker, un blockhaus qui a été rajouté par les Allemands et qui du coup a servi d'abri. Et il y a des inscriptions en allemand sur les murs, donc c'est assez impressionnant. Et donc par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, bah, de nouveau le bâtiment est à l'abandon, pardon. Et donc on ne sait pas trop quoi en faire. La ville de Dunkerque l'utilise à plusieurs, pour plusieurs usages. Ça peut être, je crois que ça a servi de stand de tir pendant un temps. Ils ont essayé aussi de s'en servir de... Ils ont essayé de s'en servir aussi comme bâtiment de stock pour la régie municipale. Mais à vrai dire, ce n'est pas un bâtiment qui est très pratique à ce niveau-là, parce qu'en plus, les accès ne sont pas évidents non plus. Donc, de nouveau à l'abandon, jusque dans les années 80, où trois copains qui organisaient des concerts dans les bars de Dunkerque, à la grande époque du Joker, etc., sont des bars qui avaient souvent des concerts, mais ils avaient envie de pouvoir avoir un peu plus d'autonomie et de pouvoir organiser des concerts de façon plus... sans être tributaire du bon vouloir des patrons de bistrot, forcément. Donc, ils ont demandé à la ville de Dunkerque pour récupérer ce bâtiment. Et donc, ce bâtiment, bah, il a été occupé à partir donc, des années... en fait, l'association date de 89 et l'usage du bâtiment date de 94. Ce qui fait qu'on va fêter les 30 ans du bâtiment, enfin de la salle de concert, et les 35 ans de l'association en 2024. À partir de ce moment-là, il y a effectivement des ajouts qui ont été faits au bâtiment. Bah, forcément, à l'arrière, il n'y avait pas tout le bâtiment qu'on voit un petit peu là, on l'aperçoit, on ira le voir tout à l'heure, qui sont des ajouts pour faire des loges. Pendant un temps, il y avait des containers qui servaient de loges, puis petit à petit, on a rajouté des bâtiments en dur. Et puis après, bah, l'aménagement à l'intérieur aussi, pour tout ce qui est sécurité du public, toilettes, etc., évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est plutôt confortable, qui est super pratique pour l'usage qu'on en a, parce que même si ce n'était pas du tout destiné à être une salle de concert au départ, bah, en fait, l'épaisseur des murs fait qu'on est hyper content de l'extérieur. Quand on organise des concerts, on n'entend quasiment pas. On n'est pas trop embêté par le voisinage, donc, et nous, on n'embête pas trop le voisinage du coup non plus. Les voisins les plus proches sont là-bas ou de l'autre côté là-bas, donc ils sont pas trop embêtés par les sorties de concert, les gens qui parlent un peu fort, qui rigolent en sortant de salle. Et puis on a la chance d'avoir ce magnifique espace, cet îlot de verdure en plein centre-ville. Et ça, c'est vraiment une chance quand on connaît un peu Dunkerque et qu'on sait que les espaces verts sont quand même pas si nombreux que ça. On a cette chance-là d'avoir des arbres, des animaux, du naturel. Et puis nous en été, on peut organiser du coup des événements en extérieur et les gens sont ravis de pouvoir avoir ce petit espace un peu abrité qui permet d'avoir un poumon en centre-ville. Et puis du coup, avec aussi de la faune et de la flore, on a effectivement des cormorans, on a forcément des goélands, des mouettes, on a aussi occasionnellement des... On a eu une fois un renard, contre toute attente. Des écureuils, moi j'en ai pas encore vu, mais peut-être un jour. Et on a des chauves-souris, ça c'est super chouette, parce qu'on a un blockhaus là-bas qui est complètement enseveli sous le lierre et qui s'est cassé la figure et du coup qui est plus accessible du tout, à part pour les chauves-souris du coup, parce qu'il y a des petits interstices où elles peuvent se glisser. Et donc on a déjà eu un accompagnement du CPIE Flandre-Maritime pour avoir cet inventaire un peu de la faune et de la flore sauvage. Et les chauves-souris, on est trop content d'avoir des chauves-souris, c'est quand même une super chance. Et certainement plein d'autres bêtes, parce que volontairement, on laisse derrière ce blockhaus dont je parle, il y a encore au moins l'équivalent en termes de superficie de l'autre côté, et on le laisse volontairement vierge, on ne va pas l'investir, parce que ça permet du coup d'avoir une faune et une flore florissante qui peut s'épanouir sans trace de l'humain. Et on a du coup probablement d'autres espèces, mais on les laisse tranquilles. On a des mulots, des musaraignes, en veux-tu, en voilà. Puis des oiseaux, des moineaux, des merles, des grives, des mésanges, des rossignols. Enfin, on est ravis. Quand le printemps arrive, en plus, on arrive au boulot le matin à 9h et on entend les oiseaux. Et ça, c'est quand même précieux. On a de la chance. On a eu la chance d'avoir des accompagnements par le CPIE, par le service éco-citoyenneté, biodiversité de la ville de Dunkerque. Enfin, voilà, ils viennent aussi régulièrement. On les sollicite pour ne pas laisser une trace, un impact trop important sur le site. Par exemple, les arbres, là, ce sont des arbres qui ont été plantés il y a une cinquantaine d'années. Et donc, c'est des espèces qui vont arriver tout doucement en fin de vie. On le voit, à chaque tempête, il y a des branches qui tombent. Et on sait très bien que, à un moment donné, les arbres vont se casser la figure. Il faudra y penser. Donc, on a anticipé et on a planté des espèces d'arbres fruitiers et des espèces locales pour pouvoir, le jour où les arbres commenceront vraiment à être trop dangereux, on pourra les couper. Mais on aura des arbres déjà qui prendront le relais pour pas que l'îlot se retrouve à nu du jour au lendemain, quoi. Le soir, il est fermé, les grilles sont fermées. La journée, nous, on est là, donc on laisse ouvert la grille, comme ça les gens peuvent se promener ici, promener leurs chiens. Non. Après, c'est un site qui est quand même privé, normalement. À part, en fait, c'est comme vous disiez, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que la voie est publique ici. Donc quand on fait un événement, par exemple, on doit demander des autorisations de l'espace public, d'occupation de l'espace public, ce qui paraît absurde parce que c'est pas vraiment des voies passantes, mais bon, c'est comme ça. Et sur la passerelle, comme vous disiez, je sais plus, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que le trottoir appartient aux voies navigables, la voie pavée appartient au port autonome, la grille appartient à la communauté urbaine, le trottoir, un autre bout de trottoir appartient à la ville. Donc en fait, on ne sait absolument pas à qui s'adresser.